Mon cerveau est tisseur pourri mais bien viscère. Avec un air vénère. Ouais ouais. L'attitude combattante pour cette séquence. Je sais, je pense, alors j'avance. Victime de coups bas, je tente. Coincé dans cette vie d'attente, réussir, je patiente. L'attitude combattante pour cette séquence. Je sais, je pense, alors j'avance. Victime de coups bas, je tente. Coincé dans cette vie d'attente, réussir, je patiente. Avec un air vénère, une ambiance de guerre. Faut que je canalise mes nerfs, je suis du père. Ici et là, une effluve de mer. Ça se décrate, l'argent est roi, que peut-on faire? 2008, système défaillant. Des réformes sans grand résultat. Mais que c'est flagrant, ne peut rappeler. J'avoue, c'est va-t'en pessimiste. Si tu recules, moi j'avance, alors va-t'en. J'entreprends, je rends ce que je fais. Je rends ce que je suis, je suis moi. Dans cette vie, moi, et c'est ainsi. En gueulerie, on vit simplement. Le meilleur ou le pire, j'attends face à l'avenir. Oui, j'attends face à l'avenir. La naissance de nos projets à venir. On prend en main notre devenir. On cherche, on devine les combines rapides qui nous ravissent. Insiste, lâche pas dans cette vie. L'attitude combattante pour cette séquence. Je sais, je pense, alors j'avance. Victime de coups bas, je tente. Coincé dans cette vie d'attente, réussir, je patiente. L'attitude combattante pour cette séquence. Je sais, je pense, alors j'avance. Victime de coups bas, je tente. Coincé dans cette vie d'attente, réussir, je patiente. Moi, je reviens choqué, moi l'obsédé du match. Informé, victime des OCP. Au lieu de céder, trop préfère se tuer. HNP, ok, OP pour pas céder. Notre âge, sur CD, excédé. Mais toujours motivé, à exercer, à exulter. Cette passion m'a exécuté. En bien sûr, je me sens réveillé dans ce monde de baiser. L'attitude combattante pour cette séquence. Je sais, je pense, alors j'avance. Victime de coups bas, je tente. Coincé dans cette vie d'attente, réussir, je patiente. L'attitude combattante pour cette séquence. Je sais, je pense, alors j'avance. Victime de coups bas, je tente. Coincé dans cette vie d'attente, réussir, je patiente.